Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, on s'acharne, fils de, on s'en fout. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, fils de, on croit toujours en nous. Je crois en nous depuis le départ, tu mets des pressions quand je suis peinard. Attends. Attends, je réponds à personne, je me suis levé tard. Allô. Non, t'es pas un autre gars, encore moins un cousin. À part une claque, il ne mérite pas un coup de main. Parfois le bonheur se trouve dans les choses toutes simples. On revient très très fort, donc vas-y, écoute bien. Pour les gens que j'aime, je fais tout. Je veux pas les voir souffrir. Je préfère manger des cailloux et puis les voir sourire. J'ai pété un gramme de pollen. Je mets ma confiance dans chaque collègue. Je vis plus vite comme Jack Powell. Je décris ma vie dans chaque poème. FL. Hop hop hop hop, je suis au top of the pop. J'ai du gloss sur la tub, on a l'horizon toc. Tu m'as vu sur scène, je suis pas sur la fiche. Je me sens comme un migrant dans une soirée de raciste authentique. Autant dire que le bail se propage. On encule les jaja, c'est maintenant où jaja. Nique ton vieux plagiat, l'équipe sur la playa. Ne dis pas que t'aimes pas ça, l'équipe en décalage. Cette putain d'époque est pauvre. Ils vont gober mes pokéballs. Paraît qu'on est censé jouer le jeu. Mais je ne veux pas du mauvais rôle. Les baisers, y'a rien de plus savoureux. Ceux que je respecte ne le prendront pas pour eux. Du pain sur la planche, des noms sur ma liste. Ta gueule on s'en branle, fais pas le journaliste. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, on s'acharne, fils de, on s'en fout. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, fils de, on croit toujours en nous. J'place d'abord un salam, bressons comme un salem. On est tous dans le haram, j'termine par un amen. Des formes indécises se dessinent, c'est normal. J'ai lu la formule interdite, c'est trop tard. J'donne pas l'antidote du poison du cobra. La chaleur d'un dragon, la froideur du crotal. J'crois pas en toi, c'est triste ici. Je voyage en squat, Big City. Ils m'ont appelé 100 fois, mais j'ai pas décroché. J'étais calme à la D, j'peaufinais mes projets. Seul dans ma tête, j'nettoyais mes trophées. En rêvant de m'en aller, car la vie c'est trop cher. Ils nous tuent pour du fric sur ma tête, ils sont fous. Ceux qui disent qu'on l'a pas mérité, ils sont où. Et j'me suis endormi sans terminer mon 16. J'me suis levé dans la nuit, j'ai terminé mon pet, j'essaye. On a toujours avancé seul. Tu dis tu m'aimes, j'attends l'épreuve. Tu veux pas croire en nous, va te faire. Ouais, même au fond du gouffre, ça flex. Des belles conneries nous inceptionnent. Serre de la mer, tu cries youpi. Aucun d'entre vous ne m'impressionne. J'ai au moins une partie de QB. Il est tard, faut que je dorme. Ma vie c'est réside dans tes villes. La prod est tard, faut que je cogne. Y'a un esprit présent quand j'écris. On dirait que les miens sont sous NZT. Tes potes retournent en veste aussitôt. Si t'as notre amour, il faut le respecter. On n'aime pas les traits de feu cobito. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, on s'acharne, fils de, on s'en fout. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, fils de, on croit toujours en nous. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Nique tout ce qui nous entoure, on croit toujours en nous. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, on s'acharne, fils de, on s'en fout. Même si le diable nous tend la patte, nous abatte, on lâche pas, fils de, on croit toujours en nous.